regardes-tu la seule femme que je regarde moi? Dis-moi pourquoi, Maria? Pourquoi n'a-t-il pas ce qu'il veut? Pourquoi te prendre toi? Toi, Maria? Je le tuerai pour ça, je le tuerai, crois-moi. Je n'ai plus rien à perdre si toi tu n'es pas là. Je le tuerai pour ça, je le tuerai 100 fois s'il me fallait te perdre, Maria. Pourquoi je ne voulais rien d'autre que de vivre avec toi? Moi je me fous des autres, Maria. Pourquoi j'ai jamais fait de mal à personne, Maria? Si quelqu'un me pardonne, je veux que ce soit toi. Je le tuerai pour ça, je le tuerai, crois-moi. Il n'y avait qu'une femme, et c'était toi, Maria. Je le tuerai, tu vois, je le tuerai 100 fois. Je me fous de mon âme, je l'ai perdue déjà. Regarde, c'est un homme à genoux qui vient te supplier. J'accepte tout, même la pitié. Je le tuerai pour ça, je le tuerai, crois-moi. Je n'ai plus rien à perdre si toi tu n'es pas là. Je le tuerai pour ça, je le tuerai 100 fois s'il me fallait te perdre, Maria. Je le tuerai pour ça, je le tuerai, crois-moi. Il n'y avait qu'une femme, et c'était toi, Maria.